nuit de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Quand il n'a pas son paletot sur lui, il a froid. Quand il porte son paletot, il a chaud, trop chaud. Tout un roman. Encore que non, le paletot n'a guère d'importance dans la comédie bouffe en un acte de Georges Feydeau qui vient. Que faire à Paris si l'on est seul ? Aller visiter une actrice. Tout un roman. Sous un nom d'emprunt, bien sûr. Quand on fait ses fredaines, on ne doit pas, on ne veut pas compromettre son nom. Et le crime de Suresnes. Tout un roman, lui aussi. Un roman ? J'allais vous le dire. C'était le 17 octobre 1959, sur la chaîne parisienne. Le jeu des échanges, une émission de Marguerite et Jean Allais. Au cours de cette première émission, vous entendrez, dans Gibier de potence de Feydeau, Jacqueline Maillan, Hergy Chauffard, Christian Lude, Claude Nicot. Réalisation Claude Roland-Manuel. Vous le reconnaîtrez facilement à son air de profond crétinisme. Signé un anonyme qui ne dit pas son nom. Là, voilà qui est fait. Et maintenant, à nous deux, mon bonhomme. Ah, mon Dieu! Qu'est-ce qu'il y a? Elle est morte. Qui ça? La victime du crime de Suresnes. Ah, oui, oui. Mais qu'est-ce que ça me fait à moi? Oh, monsieur Plumard, vous n'avez pas de cœur, non? Toutes les fois que ce n'est pas vous qui mourrez, ça vous est égal. Oui, tu sais, c'est le mépris de la vie qu'avaient nos pères, le mépris de la vie des autres. Oh, tenez, vous, vous êtes trempé comme un cuirasse. Non, non, ma bonne amie, on dit cuirasse. Tu ne dis pas cuirassier, mais un cuirassier, n'est-ce pas? Il ne faut pas confondre cuir et cuir. Oh, vous ne les confondez pas, vous les cuir? Quel ignare et dire que c'est mon mari. Pourquoi faut-il que moi, la Lamballe, une étoile de l'opérette à la mode, j'ai épousé cet ancien herboriste? C'est étonnant comme la femme est ignorante sur certaines choses. Après une nuit d'agonie, pendant laquelle le sang de la jeune femme s'était complètement tourné... Quand le sang tourne, on doit prendre des dépuratifs. 3 sous de chicorée amère, 4 sous de cresson. Si elle avait vu un herboriste... Oh, mon ami, on ne vous demande pas de consultation. Je ne dis pas non, mais tu sais, nous autres, dans la médecine... Où ça, la médecine? Oh, je vous demande un peu. Comment un ancien herboriste, c'est pas de la médecine, c'est tout au plus du médicament. Mais les médecines sont des médicaments, ma bonne amie. Oui, c'est bon, fini. Bon, ah, la malheureuse est morte. On a même profité de cela pour l'enterrer. C'est horrible! Oui, mais qu'est-ce que tu veux, la mort? C'est la vie. Et cet assassin qu'on ne retrouve toujours pas. Oh, c'est égal. Alors, Kidée, on doit le tenir. Nous verrons ça dans le journal du soir. Quand Taupinier sera là, je l'enverrai. Ah, monsieur Taupinier va venir. Ça vous fâche? Mais qu'est-ce que vous avez donc contre lui? Moi? Oh, rien. Bon, alors ça va. Il fait la cour à ma femme, voilà tout. Et ça me vexe. Quand il vient, on m'envoie faire jouer bébé avec ce cerceau. Voilà 6 mois que ça dure. Heureusement que je ne suis pas un de ces maris aveugles. J'ai tout compris depuis hier soir. Ah, mais c'est que j'ai lu Othello, un drame d'un Anglais, qui écrit même très bien le français pour un étranger. Ça m'a ouvert les yeux. J'ai pensé tout de suite aux oreillers, mais j'ai trouvé ça un peu anglais pour moi. J'ai préféré quelque chose de plus gascon. J'ai pris une plume et j'ai écrit au commissaire de police... « Monsieur le commissaire, soyez chez Monsieur Plumard, 7 rue aux Ânes, ce soir à 5 heures. Vous trouverez dans le salon un malfaiteur de la pire espèce. Vous le reconnaîtrez facilement à son air de profond crétinisme. Entre nous, je ne suis pas fâché de le bêcher un peu. Il est 4h moins 5, dans 1h 5. Oh, nous allons bien rire. » Ah, tiens, vous arrivez bien. Oui. Vous allez retourner me chercher le journal du soir et puis vous passerez à la préfecture de police. Encore? Quelle existence! c'est bon, je m'envole. Je reviens rapide comme l'oiseau. Va donc, Pierrot. Qu'est-ce qu'il faudra faire à la préfecture? Demandez si on n'a pas retrouvé ma petite broche. Ma tête de chien en diamant, vous savez. Ah, à ton petit médor. Oui, oui, auquel madame tenait tant, parce que c'était un souvenir. Un souvenir, ah oui. Et de qui donc? Eh bien, mais de qui... de mon père. Ah, c'était de papa. Voilà. Il avait porté toute sa vie, vous comprenez si j'y tiens. Ah ben, une relique paternelle, c'est sacré. Ainsi comme cela, votre père portait des broches en diamant. Oui, oui, il portait surtout dans les balles officielles, n'est-ce pas? Parce que comme il n'était pas décoré, alors pour ne pas avoir l'air d'un domestique, il mettait ça ou ça. Ah, voilà, voilà, voilà. Oui. Alors comme ça, on prenait cela pour un ordre étranger. Voilà. C'est très ingénieux, voilà, oui. Bon, ben là, je me sauve. Ah, dites donc, pas pour longtemps, au moins, hein. Oui. Ah, mais vous savez, vous avez le temps. Il est 4h05. Vous avez encore 45 bonnes minutes devant vous. Ah, j'ai encore. Oui. Seulement, alors, soyez là un peu avant 5h, n'est-ce pas? Vous me ferez plaisir. Bon, voilà. Bon. Adieu. Au revoir. Oh, quel excellent garçon. Oui, va. Mais nous allons bien rire tout à l'heure. Mon Dieu, que nous allons rire. Madame. Oui, madame, c'est un monsieur qui s'appelle monsieur Le Mercier. Eh? Il demande si madame est visible. Le Mercier. Inconnu. Ah. Mais faites entrer et priez d'attendre. Attends. Alors venez-vous, Plumard. Voilà. Si monsieur veut prendre la peine d'entrer, madame vient dans un instant. Vous avez annoncé monsieur Le Mercier, n'est-ce pas? Oui, monsieur. C'est bien. Monsieur Le Mercier, c'est ça. C'est bien ça. Quand je dis c'est bien ça, c'est pas ça du tout. Je m'appelle Aristide Grognard, professeur de rhétorique à Quimper. Quant à Le Mercier, c'est le nom de ma belle-mère, parce que quand je fais mes fraudaines, je ne tiens pas à compromettre mon nom. Alors je prends celui de ma belle-mère. Or, je l'ai fait de ce moment-ci, mes fraudaines. Comme je suis sans ma femme à Paris, je me suis dit, je vais aller chez une actrice. J'adore les actrices, c'est mon vice. Et voilà comment je suis chez la Lamval, la célèbre Lamval des folies érotiques, comme un boudiné. Je m'en boudine en ce moment. Enfin, je lui porte ce petit chien à la lamballe. Oh, c'est tout un roman. Hier soir, j'étais aux folies érotiques. Derrière moi, deux gandins. L'un d'eux dit à l'autre, « Dis donc, tu sais pas, Hector, la lamballe est perdue du Ménard. » Je me rappelle qu'il s'appelait Hector, parce que ça faisait deux vers. « Dis donc, tu ne sais pas, Hector, la lamballe a perdu du Ménard. » Allons donc. « Oui, ce Médor, ce ravissant bijou, ce petit chien que lui avait donné le prince. Alors moi, il me vient une idée. » Je me dis, voilà mon affaire. Tiens, un homme. Monsieur, heureux et fier, j'ai bien l'honneur. Monsieur, croyez que la réciproque. On sait que les personnages. Prenez donc la peine de vous asseoir. J'allais vous le dire. Pardon de mon indiscrétion, mais je serais curieux. Enfin, j'aimerais. C'est vous qui servez de mère ici. Qu'est-il? Oui, de mère d'actrice. C'est connu, c'est vous qui êtes l'oncle. Pardon? Quand il n'y a pas de mère, il y a toujours un oncle. Un personnage respectable avec des décorations. Vous n'avez pas de décorations, vous? Ah non, non monsieur, non pas jusqu'à présent. Mais ma femme connaît un turc, par contre. Oui, parfaitement. Enfin, vous êtes quelque chose dans la maison. Comment quelque chose? Mais je suis monsieur Plumard. Monsieur Plumard? Mais je ne suis donc pas chez la Lamballe. Ah si, monsieur, la Lamballe, c'est ma femme. Alors, vous êtes monsieur Lamballe? Ah non. Non, non, non, je suis monsieur Plumard. Comprenez-vous? Moi? Oui. Si. Oui. Pas du tout. Ah. Parce que je vais vous dire, généralement la femme porte le nom du mari. Enfin, ma femme s'appelle madame Grognard parce que je m'appelle moi. Monsieur Le Mercier? Oui. Oh, j'ai dit une bêtise. Mais dites-moi, madame Plumard, c'est elle que je suis ici? Ah oui, elle va venir. Voilà. Eh bien, il est très bien, ce pharmacien. C'est un pharmacien de première classe. C'est curieux, je n'ai pas très chaud. Vous permettez? Ah, vous en prie. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais dès que je n'ai pas mon paletot, j'ai froid. Oh, tiens! Oh, un chien! Chut! Eh? C'est la surprise. Comme... Pas un mot. Pardon, monsieur, je suis désolée de vous avoir fait attendre. J'allais vous le dire, madame. Mais prenez donc la peine de vous asseoir. J'allais encore vous le dire. Et puis-je savoir, monsieur, puisque vous êtes bien assis, ce qui me vaut l'honneur... Mon Dieu, madame, c'est très simple. Oh, quelle est belle, cette femme. Eh bien, monsieur, allons. Je viens tout simplement, madame, déposer à vos pieds. Mais quoi donc? Un manuscrit, sans doute. Ah, je vois ce que c'est, vous êtes un jeune... Un jeune, certainement. Et depuis longtemps encore. Mais non, ce n'est pas un manuscrit que je vous apporte. C'est un amour de petit toutou. Un chien. Tu... Mais, je vous demande pardon de vous le donner comme cela, de la main à la main. Je l'avais bien mis dans une boîte à bonbons, mais il a mangé tous les bonbons. Il a manqué des gardes vis-à-vis de la boîte. Et vous êtes vraiment très aimable, monsieur, mais je ne vois vraiment pas pourquoi. C'est Médor. C'est mais quel Médor? Mais le Médor que vous avez perdu. C'est Médor que je vous ramène. Oh, elle est bien bonne. Ah non, ma parole, elle est bien bonne. Ça, Médor. Est-ce que par hasard... Mais si, monsieur, non, mais non, monsieur. Mais non, monsieur, mon Médor est une tête de chien. Un chien décapité? Et il est en diamant. Oh, c'est un chien en diamant. Eh oui. Pigre, ce n'est point une race ordinaire. Et moi qui croyais que... Oh, j'ai chaud. Vous permettez? Je vous en prie, monsieur. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais dès que j'ai mon paletot... Eh oui, mais évidemment, là, moi je vous... Il est charmant. Mais enfin, monsieur, vous voyez que ce Médor ne ressemble pas au mien, n'est-ce pas? En effet, madame, le mien est de qualité plus inférieure. Enfin, madame, l'intention y était. Mais certes, monsieur, certes, mais oui. Errare humanum est. N'est-ce pas? Oui, vous êtes espagnol, monsieur. De Quimper, madame. Ah oui, c'est ça, c'est l'accent qui m'avait fait. Errare humanum est. Autrement dit, tout homme peut se tromper. Mon Dieu, monsieur, c'est le fait de toute l'humanité. Ainsi, tenez, ça me rappelle une aventure. J'étais à Agnières. Et je pêchais, oui, n'est-ce souviens, pas? C'est très amusant. Je pêchais à la ligne. Or, ça ne mordait pas. Eh bien, tout à coup, mon bouchon fonce. Je dis, c'est une ablette. C'était une perruque, monsieur. Mais, monsieur, ça n'a aucun rapport. Oui, mais je n'ai pas dit que ça avait du rapport, j'ai dit ça me rappelle une aventure. Qu'est-ce qu'il a à faire le pédant, ce pharmacien? Il est au moins de 7e classe. Madame, vous croyez que je regrette? J'aimais pas plus que nous, monsieur. Oui, c'est dommage. Ah bah oui, parce que oui, oui, oui. Ah oui, ça c'est dommage. En effet, c'est dommage parce que vous comprenez bien que nous ne pouvons pas vous remettre la petite récompense. Oui, dame. Ah ben, bah, du moment que vous ne rapportez pas l'objet, avec la meilleure volonté du monde. Monsieur Plumard. Ma bonne amie. Vous m'obligeriez bien d'aller faire jouer bébé. Je crois qu'il pleure. Ah, vous croyez que... Oui. Bon, eh ben alors je m'en vais, n'est-ce pas? Mais nous allons bien rire tout à l'heure. Oh oui, nous allons bien rire. Au moins, monsieur, ne vous offensez pas de ce que vous a dit mon mari. Il est très gai de nature et il a voulu faire une plaisanterie. Spirituel. Il est spirituel, votre mari. Il n'en a peut-être pas l'air, mais il doit l'être. Voilà. Il n'est pas été long, mais on n'a rien trouvé. C'est un boudiné. Monsieur Taupinier, monsieur Le Mercier. Enchanté de faire votre connaissance. J'allais vous le dire. Mon père connaissait beaucoup un monsieur Le Mercier, c'était son pédicure. Est-ce que par hasard vous... Mon Dieu, non, monsieur. Je n'exerce pas dans cet ordre d'idées. Oui, en fait, c'est vrai, ce Le Mercier doit être mort alors qu'il est. Il était déjà gâteux à ce moment-là. Je regrette, monsieur, nous aurions refait connaissance. Je regrette aussi, monsieur. Je crois que je ferais bien de m'en aller. Madame, je vous demanderai la permission de prendre congé de vous. Je suis bien heureux d'avoir fait votre connaissance. Oh, Formosa Puella. Oh, eh bien, attention à ce que vous dites. Hein. Et moi, je vous remercie encore une fois de toute votre complaisance, monsieur. Je vous en prie. Allons, je remporte mon chien. Et viens, Médor. Pédicure. Ça, mais qu'est-ce que c'est que ce Le Mercier? Mais je ne sais pas, un vieux fou qui parle latin qui n'est pas méchant. Mais avez-vous le journal? Dites-moi, vous l'avez le journal? Oui, oui, voilà, la France. Ah, merci beaucoup. Voilà. Donnez, voyons. Attends, qu'est-ce que je... Ah non, c'est pas ça. Ah, le crime de Suresnes. Voilà. Enfin, l'assassin est découvert. Ce scélérat était... Il t'était, pour petit. Non, ce Jean-Pruy, soyez sérieux. Non, ce scélérat. Ce scélérat était autrefois l'amant de la victime et se nomme Le Mercier. Le Mercier, ça me dit... Ah! Mon Dieu! Le Mercier! Il a disparu la nuit du crime et jusqu'à présent, on ignore où il peut être. Oh, si c'était lui, je suis tout émue. Oh, mais quelle idée! Comment voulez-vous que ce soit ce... Mais les assassins sont si audacieux. Vous voyez d'ailleurs qu'on ne sait pas où il est. Et il se peut très bien... Que vous êtes enfant. Attendez. Nous publions le signalement de ce criminel. Ah, voilà. Qui est en ce moment activement recherché. C'est un homme de 45 ans aux cheveux châtains. Oh, c'est bien ça, C'est bien ça, mais le nôtre est presque blanc. Et précisément, c'est le remords. Sans ça, il serait resté châtain. On a vu des gens devenir complètement blancs en une nuit, taisez-vous. Et puis, il a peut-être une perruque, allons. Ah, mais c'est possible. Ah, mais je suis toute bouleversée. Attendez. Aux cheveux châtains, ses yeux sont noirs. Mon Dieu, j'ai pas regardé ses yeux. Et vous, Taupigny, vous avez regardé ses yeux? Non, moi non plus. Bon, alors attendez, il a le nez ordinaire, la bouche ordinaire, ça va très bien. Il lui manque la troisième molaire gauche de la mâchoire inférieure. À noter que ça, la troisième molaire, c'est important tout de même. Ah oui? Oui, sa taille mesure 1m70. 1m70, qu'est-ce que ça représente quoi, 1m70? Ça fait quoi? Ça fait ça? Oui, c'est ça. Mais c'est tout à fait sa taille! Mais c'est affreux! Attendez, détail particulier, parce que ça, ça peut être important. L'assassin a une fraise sur le sein droit. Une fraise? Une fraise sur le sein droit. Et j'ai pas pris garde. Il porte des gilets de flanelle rouge. C'est bien difficile à vérifier comment faire. Oh, tiens, posez-moi ça. Et quand je pense que c'est peut-être un criminel qui était devant moi tout à l'heure... On a sonné. Oh, allez voir, mon ami, allez voir. Mariette s'en occupe, je ne sais plus, vite. Oh, mais n'importe, je n'y suis pour personne, n'est-ce pas? Tiens, son parapluie. Il peut nous renseigner, nous donner quelques indices, on ne sait pas. Faites voir, venez voir, mon ami. Allez. Oh, mon Dieu. N'a rien de particulier? Non, c'est ce que j'appelle un parapluie. Madame, si je... Hein? Oh, chut, oui. Tiens, là, un parapluie. Pleut donc, ici? Oui, oui, monsieur, vous voyez, nous nous promenions comme ça, de long, large, et comme il fait très mauvais depuis un mois, alors... Il est prudent de prendre son parapluie. Voilà. Son parapluie, comme vous dites. Aussi est-ce lui que je viens chercher. Ah, voilà. Oh, mais c'est très, très aimable à vous de... venir chercher votre parapluie, mais nous ne vous laisserons pas partir par cet affreux temps. Je ne veux pas. Alors, veuillez donc, je vous prie, prendre la peine de vous asseoir. J'allais vous le dire. C'est bien lui, oui. Oh, c'est lui, ça, sûrement. Oui, donnons le change. Et j'en aurai le cœur net. Topigny, alors ayez l'air naturel et dites que vous avez froid, je vous en prie. Allez-y. Tu trouves pas qu'il fait froid, ici? Ah, si, je vous demanderai la permission de quitter mon paletot. Comment, vous avez froid et vous quittez votre... Oh, mais c'est que monsieur doit porter de la flanelle, Topigny. C'est un vêtement indispensable. Non, mais je suis de votre avis. D'ailleurs, aujourd'hui, on en fait de si coquet. Tu deviens presque élégant d'en porter. Vous savez qu'on en voit toutes les couleurs. Hein. Des blancs. Ah, des bleus. Des verts. Des jaunes. Des tricolores, oui, monsieur. Des tricolores pour les patriotes. Eh oui, pour les patriotes. C'est ça, oui, les patriotes, monsieur. Ils en mettent des tricolores, n'est-ce pas? Et voilà, voilà. Mais qu'est-ce que ça me fait à moi? Mon Dieu, vous allez dire, monsieur, je pense que je suis bien indiscrète. Hein, je sens que vous allez le dire. Mais je voudrais, je souhaiterais, je suis très délicat de demander. Monsieur, allez, tant pis. Quelle est la couleur de vos gilets de flanelle, monsieur? Hein? Vos gilets de flanelle, vite, ne cherchez pas. Quelle drôle de conversation. Mon Dieu, madame. Non, pas de subterfuge, parlez vite. S'il dit rouge, ça sera clair. Bien, ils sont jaunes. Jaune. Jaune, plus de doute. C'est l'assassin, il dissimule. Oui. Toutes les preuves sont contre lui. Oui, vous avez raison. On voit que c'est un criminel, rien qu'à son œil. Allez regarder son œil. Quelle maison. Si je m'en allais. Et Plumard, qu'est-ce qu'il devient dans tout ça? Ne perdons pas de temps, je vais courir chez le commissaire de police. Bien, bien. Monsieur? Monsieur, je vous laisse avec monsieur Topigny. Bien. Eh ben, quelle position! Seul avec un malfaiteur. On a beau être courageux. Pourquoi me laisse-t-on en compagnie de ce petit gandin mal élevé? Ça, mais c'est la première fois, moi, que je vois un assassin de si près. Pardon, monsieur. Je voudrais savoir ce que vous avez à me dévisager de la sorte. Moi, je vous dis... Je n'aime pas les gens de votre espèce. De mon espèce? Ah oui, il a vu que je ne suis pas de la confrérie. Non. Je n'ai qu'un moyen de... Eh bien, non! Non! Chut! Je vais tout vous dire. Chut! C'est pas un homme, c'est une locomotive. Je ne suis pas ce que vous croyez. Non! Je ne suis pas un honnête homme. Un banal honnête homme. Oh, fi, un honnête homme! Je suis un criminel, moi. Hein? Et un grand criminel, comme vous. Même plus grand que vous. J'ai tué mon père, j'ai tué ma mère, j'ai tué mon frère, j'ai tué ma sœur, j'ai tué le concierge. Si je m'arrête pas, je vais tuer tout le monde. J'ai tué! Mais qu'est-ce qu'il dit? J'ai fait des crimes. En masse! Oh mon Dieu. Et on me laisse seul avec cet homme? Mais c'est un guet-apens. En un mot, je n'aime que le crime et tous les criminels sont mes amis. C'est pourquoi je... Allons, du courage, il le faut. C'est pourquoi je vous tends la main. Qu'est-ce qu'il dit? Parce que je sais que vous aussi, vous êtes un grand, un très grand malfaiteur. Hein? Quoi? Moi, je... Si. Il me prend... Oh, de la plante. Vous avez raison, monsieur. Je suis heureux de vous serrer la main. Une main qui a trempé dans tant de crimes. Ouh, ça me digne d'un jour. Mon cher confrère. Je n'étais pas né, monsieur. Comment tu dis pas? Nous étions deux dans le sein de ma mère. Je dis à mon frère jumeau, il y en a un de nous deux qui est trop ici, monsieur. Sur le champ, je lui brûlais la cervelle. Voilà. Madame la loi, ouvrez. La police. Ouvrez, entendez-vous. Ne bougez pas. Bougez pas. Filons. Ouvrez ou j'enfonce la porte. Attendez, j'y vais. Nous allons bien rire. Madame la loi, je vous arrête. Ah, mais qu'est-ce qu'il dit? Je suis délégué du commissaire, vieil ami. Il m'a dit en déjeunant, Dubrochard Génagout, tu vas opérer arrestation au criminel à ma place. Vous? Moi, Dubrochard, vieux militaire, présentement épicier, rue Quincampoix. Voici prospectus. Où prenez-vous votre café? Chez Potin. Bon, circonstances aggravantes. Suivez-nous. Mais vous plaisantez. Plaisante jamais avec le devoir. Vous dites de nous suivre, crable, et un peu vite. Mais quand je vous dis que ça n'est pas moi, là... bon signalement, malfaiteur pire espèce, c'est un profond crétinisme. Eh bien, mais justement... Vous n'avez donc jamais regardé dans la glace, créneau. Faut pas nous la faire, savez. Faut pas nous la faire. Je vous répète que je suis un bon citoyen. Vous ne demandez pas vos opinions politiques. Défendu question politique. Mais au nom du ciel. Mais il s'agit pas de ciel. Défendu question religieuse. Oh, tenez, je n'y tiens plus, et je vous avoue, franchement... C'est bon, ça c'est bon, tiendra compte. Non. Vous, inscrivez qu'il avoue. Mais pas du tout. Mais je vous dis que ça n'est pas moi. Celui que vous cherchez, il vient de partir. Tenez, là, par là, là. Eh bien, alors, mais on le dit, il faut parler. Eh bien, voilà une heure. Taisez-vous. Ah bah, taisez-vous et il veut que je parle. Nous allons bien voir. Nous allons bien voir. Au nom de la loi, ouvrez. C'est pas ici, monsieur, c'est en face. Au nom de la loi, ouvrez. En face, monsieur, en face. Mais comment, en face. Mais j'en viens d'en face. Ce que c'est que ces fumisteries-là? Bah, arrêtez-les tous les deux. Mais qui fait tout ce bruit? Ah, madame, venez me sauver, on me prend pour le criminel. Mais jamais de la vie, le criminel le voilà. Ouais. Ah, c'est vous. Votre nom, un peu vite. Oh, mater, mais... C'est bon, passons les prénoms. Votre nom de famille, sacrebleu. Je suis Grognard. Vous ne mentez pas votre caractère. Je vous dis que je m'appelle Grognard, professeur de rhétorique à Quimper. Comment? C'est le Mercier, l'assassin de Suresnes. Lui aussi? Mais on l'a déjà arrêté ce matin. Hein? Quand je vous dis, tenez, mais voici mes papiers. Le Mercier, c'était un pseudonyme. C'est juste. Mais tous les crimes que vous m'avez comptés. Invention, pour vous donner la réplique. Eh bien, moi aussi. Mon cher confrère. Non, mais alors, le criminel, ben, où est-il? Mais alors, il n'y en a pas. Il n'y en a pas? Eh oui. Mais alors, qu'est-ce qu'il racontait, le commissaire? Oh, mais est-il bête? Oh, allez dire au commissaire qu'il n'y a pas plus de criminel que dans votre œil. Eh bien, moi, j'en ai assez des actrices. Je retourne à Quimper. C'était Le Jeu des échanges, une émission de Marguerite et Jean Allais, qui proposait le 17 octobre 1959, sur la chaîne parisienne, Gibier de Potence de Georges Feydeau, avec Jacqueline Maillan, R.J. Chauffard, Christian Lude, Claude Nicot, réalisation Claude Roland-Manuel. Vous pourrez réécouter cette émission sur le site franceculture.fr ou sur l'application Radio France à la rubrique des Nuits de France Culture. Thank you.